Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, après le générique de l'émission Lost in Space, c'est votre rendez-vous favori sur le Radioactive 100 FM. Votre rendez-vous punk, rock, musiques expérimentales diverses et variées qui attaquent comme très souvent dans une version rock'n'roll. Et pour commencer avec ça, on a les Low Point Drains qui vont nous chanter une de leurs chansons de leur cru. Et comme d'hab, vous savez que vous pouvez retrouver tous les titres qui sont joués dans l'émission sur le site de la radio. Allez, c'est parti avec les Low Point Drains. Thank you. We'll be right back.

fight, Johnny, for the battle call. United we stand, divided we fall. Together we are, we can't be alone. We came to this country, we made it home. This flag so humble and this flag so brave. A legend to many, he fought to his grave. Take friends and family from the hardship and horror in the land of depression. He gave up for tomorrow. Say Johnny, me boy, this one for you. With the strength of many and the courage of a few. What do we owe this man who's fight with all the masses? He gave his life. Say hey Johnny for the battle call. United we stand, divided we fall. Together we are what we can be alone. We can do this country, you made it all. Right to the locals who dabbled in crime. He gave you a job, he gave you his time. He wasn't a good, but he couldn't be gone. John knew the difference between right and wrong. Say Johnny, me boy, you live no longer. Others forgotten, your memory stronger. Let's drink to the causes in your life. Your family, your friends, the union, your wife. Say, hey Johnny, boy, the battle call. United we stand, divided we fall. Together we are what we can't be alone. We came to this country, you made it alone. Your fist, it must end with your mind. Say, hey, Johnny, for the battle call. United we stand, divided we fall. Titanium expose Sonic Youth à l'instant sur le 100 FM radioactive dans le cadre de Lost in Space. Et on va continuer en littérature et musique avec les extraits d'un livre qui s'appelle Psycho Killer, dont l'auteur est anonyme. C'est un polar, vous allez voir, tendance plutôt drôle, légèrement gore et déjanté. Mais avant, on aura les Pogs qui vont nous chanter The Old Triangle. A hungry feeling came o'er me sailing, and the mice were squealing in my prison cell. And that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. To start the morning, the water falling, get up out of bed you, and clean out yourself. And that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Oh, that screw was peeping, and the lake was sleeping, as he lay for his girl self. When that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. On a fine spring evening, the lake lay dreaming, and the seagulls were wailing high above the wall. And that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Oh, the wind was sighing and the day was dying as the lake lay crying in his prison cell. And that old triangle went jingle bloody jangle all along the banks of the Royal Canal. In the women's prison there are 70 women, and I wish it was with them that I did dwell. Then that old triangle could go jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Thank you. haussa les épaules. « Pas maintenant, répondit-il en se tripotant l'entrejambe. L'écureuil pourrait bien revenir d'un moment à l'autre avec des renforts. » Randall tourna la tête et regarda par la vitre côté conducteur. Il avait laissé une de ses mains sur le volant. Pourtant, ils étaient garés. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui le poussait à faire, mais il laissait toujours une main sur le volant, que le moteur soit allumé ou non. « Bon, d'accord. Imaginons qu'il y ait un écureuil dans les parages, dit-il. Ça peut pas être plus dangereux qu'une bagarre d'ivrognes en ville. » « Avec les ivrognes, au moins, on se fait un peu moins chier, » répondit Pete d'un ton plaintif. « Vois un peu plus loin que le bout de ton nez. Il y a pas mal d'argent à se faire sur ce pont. »« Comment ça ?» demanda Pete après un moment de silence. Bah, « Si tu te montres peu conciliant comme moi, les gens te donneront quelques dollars pour les laisser passer plus vite. »« Des pots de vin, vous voulez dire ?» Randall se tourna vers Pete. « Des dons, je vois plus ça comme des dons pour ma cagnotte de retraite. » « Vous partez quand à la retraite ?» demanda Pete. Bah, « Dans 5 ans, je pars à 55 ans. 36 ans dans la police, c'est bien assez, je trouve. » Pete fronça les sourcils. Il était visiblement en train d'essayer de faire le calcul. Randall hocha la tête et regarda de nouveau par la vitre. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Un réverbère solitaire éclairait l'extrémité du pont menant à B-Movie Hell. Love. Quand ils étaient en patrouille de nuit, ils avaient de la chance s'ils voyaient passer une voiture par semaine. C'est ce qui rendait fous les policiers, l'ennui, l'attente et l'absurdité de la situation. Avec le temps, Randall s'y était habitué. Les seuls moments difficiles, c'était lorsqu'on lui refilait un nouveau coéquipier comme Pete. Les conversations futiles étaient parfois plus abrutissantes que le silence. « Vous leur faites payer combien aux gens pour passer ?» demanda Pete. « Autant qu'ils ont l'air de pouvoir se permettre. » Vous êtes fait combien au max ? $50. Merde, sérieux ? Pete semblait impressionné. Je vous parie que je peux m'en faire 100. Randall se tourna de nouveau vers lui et le surprit en train de se gratter le pubis pour la 100e fois de la soirée. Et qu'est-ce que t'en ferais de cet argent ? Demanda Randall. Tu achèterais de la crème pour soulager tes démangeaisons ? Quelle démangeaison ? T'as passé la nuit à te tripoter et tu commences à m'inquiéter. Pete grimaça et arrêta de se gratter pendant quelques minutes. J'ai peut-être bien attrapé un truc au minou joyeux la semaine dernière. Randall leva un sourcil perplexe. Tu vas chez Mellencamp ? Ouais, pas souvent, juste une fois de temps en temps. Tu te protèges au moins ? Bah de quoi ? Tu sais très bien ce que je veux dire. Il fallut en réalité plusieurs secondes à Pete pour comprendre ce que Randall voulait dire. Ah oui, oui, enfin pas tout le temps. Mais cette gonzesse, la semaine dernière, elle avait des plaques rouges sur le visage. Ça doit être elle qui m'a refilé un truc. Randall secoue la tête. « Merde, Pete, tu peux même pas choisir la fille ?» Les joues de Pete s'empourprèrent légèrement. « Bah si, mais je l'avais jamais choisie avant et je me suis dit que ce serait pas très poli. Je croyais que tu n'y allais pas souvent. »« Non, mais je crois bien que j'ai essayé chaque fille au moins une fois. »« Il y a combien de filles ?»« Une trentaine. » »« Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas embauché de nouvelles. Ils devraient ramener un peu de chair fraîche. » Thank you. imagination. I know I see things from a certain point of view. That's my decision. There's only two things left in this world, love and the lack thereof. I heard about it and it broke my heart. I saw satisfied that it found you. Oh, fly that old way, and sure enough, the only love you'll know won't be strong enough to ground you. Love and destruction seem to go together. When you find one, the other's close behind. A broken heart isn't the worst thing in the world when you give it just a little piece of time. There's only two things left in this world, love and the lack thereof. I heard about it and it broke my heart. I saw it and it broke my heart. I touched it and it broke my heart. I tasted it and it broke my heart. But I heard about it and it broke my heart. I saw it and it broke my heart. But I touched it and it broke my heart. Lord, I tasted it and it broke my heart. Tim Easton à l'instant sur le 100 FM radioactive dans le cadre de Lost in Space qui clôture notre série de littérature et polar. On met un peu de côté, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, ce magnifique Psycho Killer pour revenir à une de nos rubriques récurrentes sur l'underground musical français. Les liens se tissent entre musiciens et tourneurs européens. Les gros investissements promotionnels faits par Richard Branson pour le lancement de sa maison de disques Virgin Records en 1973 permettent aux musiques alternatives d'atteindre une visibilité inédite jusque-là. Richard Branson a dans l'idée de signer et de promouvoir les éléments les plus vivaces de cette scène. Il signe de nombreux Anglais, les groupes Enrico et Hatfield and the North, Stevie Lage, Robert Wyatt, Kevin Coyne, ainsi que David Allen et Gong, dont le contrat Léonin avec BYG est arrivé justement à terme. L'énorme succès de Tubular Bells de Mike Oldfield, le premier album édité par Virgin, assure une solide trésorerie. Richard Branson apporte son soutien aux groupes allemands qui font alors l'actualité, mais se retrouve sans maison de disques. Il engage Faust, qui vient d'être débauché par Polydor. Il signe Tangerine Dream et Peter Baumann en rupture de contrat avec Or Music. Richard Branson signe également Can en 1975, son contrat avec United Artists arrivant à échéance. Captain Beefheart trouve aussi refuge sur le label anglais. Branson édifie en quelques mois une compagnie indépendante défiant les grandes institutions du disque. Pour promouvoir les sorties de 4 de Faust et Legend d'Enrico, une tournée commune Faust-Enrico traverse l'Angleterre. Ce contexte permet au groupe Virgin de sillonner la France où Faust, Can, Tangerine Dream et bien sûr Gong sont particulièrement appréciés. En avril et mai 1974, le groupe Enrico effectue ses premières tournées françaises en compagnie de Kevin Coyne puis de Captain Beefheart. Par la suite, les tournées d'Enrico en France vont avoir un impact important sur le développement et les pratiques de groupes français, notamment ceux de l'Est où à Nancy, les concerts sont pris en charge par l'association ATEM et à Reims par Dominique Diebold. Le rock français tente de percer. Il y a cette foule de groupes aux six coins de l'hexagone qui souhaitent se faire connaître tout en se soustrayant aux diktats des compagnies, des promoteurs, producteurs, impresarii, tourneurs. Ils se frottent aux dures réalités économiques du métier. Les rapports avec l'industrie du disque sont évidemment conflictuels, non seulement parce que les groupes rock français émergents sont revendicatifs, mais aussi parce qu'ils se confrontent à une industrie qui n'évolue pas et ne s'adapte pas à leur production. Les maisons de disques françaises Vogue et Barclay conservent leur politique traditionnellement orientée vers la chanson française, une politique basée sur le rôle prédominant des directeurs artistiques qui gèrent la carrière de leurs artistes de variété. Pour reprendre l'analyse de Jérôme Guibert, au sein des filiales des grandes compagnies, Philips, CBS, RCA, Pathé Marconi, les label managers sont chargés de gérer la distribution en local des priorités internationales de la maison mère. Et plus loin, le seul rock disponible en France devient donc le rock anglo-saxon. Seuls quelques groupes au style original sont signés par des majors, tels Magma, qui est engagé par Philips en 1970. Comme interne fait le choix de pactiser avec une grande maison de disques pour tenter de subvertir le système de l'intérieur. Il signe avec Pathé Marconi, mais ne publie qu'un seul album, Le Bal du Rat Mort, en 1971, et trouve finalement que ce disque ne leur ressemble pas assez. La même année, Mahajoun se tourne vers Vogue pour la publication de son premier album Vive la mort du vieux monde. L'écrasante domination de la variété française et du rock anglo-saxon est ressentie comme une véritable chape de plomb par les groupes de rock français. Autant par nécessité que par choix, l'expérimentation musicale en France doit emprunter des sentiers parallèles. Red Noise publie Sarcelle Le Cher, son premier et unique album en 1971, grâce au label militant d'Odile et Gérard Terrones, organisateurs de concerts de free jazz et gérants de clubs. Catharsis publie ses premiers albums sur Sarava, le label indépendant fondé par l'auteur et chanteur Pierre Barou. L'Art Free doit attendre 1973 pour voir se concrétiser la publication de son premier album sur Vamp Records. Thank you. Cantonnés au rôle de distributeurs, les maisons de disques ne développent pas non plus de nouvelles compétences en matière d'enregistrement. Les ingénieurs du son, par manque d'expérience dans ce domaine, ne savent toujours pas travailler avec la pop music, encore moins avec la musique expérimentale. Ils appliquent des recettes inadaptées. La voix est toujours mise en avant, la musique ne pouvant être à leurs yeux ou plutôt à leurs oreilles, autre chose qu'une orchestration mise au service du chant et du texte, comme chez Ferré et Gainsbourg. Ils essayent bien de regarder ce qui se fait outre-Atlantique et outre-Manche, mais cela ne donne que de pâles imitations. Aussi ne tirent leur épingle du jeu que les disques qui ne s'éloignent pas trop du jazz et ceux qui justement proposent un art qui reste dans le format chanson française. Les audaces de Catherine Ribeiro avec Alpe et de Brigitte Fontaine entrent dans un registre mieux compris par les ingénieurs du son et s'en sortent bien. Alpe est d'ailleurs, avec Ange, l'un des quelques groupes soutenus par les grandes maisons de disques. Quant aux musiciens innovants dans une veine rock instrumentale, jeunes et sans expérience de studio, ils voient le plus souvent leur musique être saccagée par un travail inapproprié, la France ne comptant pas alors d'ingénieurs du son de la trempe de Tom Wilson aux États-Unis ou de Connie Plank en Allemagne. Ah, qui accepte l'idée de partir à la guerre. Pitié de toi. Oh, imagine. De mon dernier soupir. L'éclosion rapide de Virgin n'influe pas sur les grandes maisons de disques françaises qui accentuent leur tendance à se satisfaire de leur valeur sûre, ne risquant la mise que lorsqu'un nouvel artiste ou groupe leur semble pouvoir assurer une rentabilité à court terme, c'est-à-dire s'inscrivant dans un genre déjà popularisé. Ne trouvant pas d'interlocuteur réceptif, quelques adeptes d'expérimentation créent leurs propres labels indépendants, à la suite de ceux déjà créés quelques années plus tôt, tels que Futura et Sarava. En 1974, Richard Pignas crée Disjuncta Records, un label prenant la forme d'une association loi 1901 qui publie les premiers albums d'Eldon. Les membres de Disjuncta montrent la voie du do-it-yourself bien avant que ce modèle ne soit adopté par la vague punk et le rock alternatif des années 80. Disjuncta assure la production et la diffusion de ses disques en dépouvante ou en vente par correspondance, en ayant recours à la structure associative, un modèle qui en inspira beaucoup d'autres, Pôle, Tartampion, Fléau, ATEM, Davantage, Tagomago. Et les résultats en termes de vente dépassent les espérances, à tel point que les musiciens sont vite débordés par l'activité de Disjuncta et décident de la transmettre à Urus Records. We'll be right back. En 1976, Frédéric Leibowitz et Jean-Michel Gallois-Montbrun de Sésame Productions Éditions ouvrent leur catalogue au rock progressif et aux musiques nouvelles en lançant le label Cobra, sur lesquels sont publiés les nouveaux albums de Lard Free, d'Eldon et les premiers disques d'Urban Sax, la nouvelle formation de Gilbert Hartmann. Cette poignée de labels permet de faire paraître sur disque ce que le rock français, au-delà de Gong, Magma et Ange, fait de plus original et en se distinguant très fortement du rock anglo-saxon, et ce, en livrant une musique instrumentale ayant une identité très forte. Le label Cobra permet notamment la publication de l'album d'Eldon « Un rêve sans conséquences spéciales », sur lequel une machine électrique semble hurler à l'agonie dans la salle des machines d'un immense paquebot. Dans un univers proche d'Eldon, Lard Free déploie sur son troisième album « Lard Free » deux phases de tournoiement rythmique et synthétique. Gilbert Hartmann enregistre également sur Cobra en 1977 le premier album d'Urban Sax, où les spirales sonores sont cette fois jouées exclusivement par des saxophones pour un résultat à la fois beau et suffocant. Urban Sax suscite l'intérêt chez bon nombre de saxophonistes des groupes novateurs de l'époque, Crium Delirium, Majun, Abracadabra, Neil et Tronfou, Camisole, Cool Ghoul, heureux de rejoindre et contribuer à un projet unique et passionnant. Le concept d'orchestre mobile Urban Sax joue avec l'architecture urbaine et l'acoustique des villes, fait sonner les saxophones à l'unisson pour que se réverbèrent leurs ondes tournoyantes et qu'elles se heurtent à la dureté des murs et se répandent d'écho en écho dans les ruelles avoisinantes. Il donne une dimension inédite aux arts de la rue, surprenante et jouissive, immergeant son public, qu'il soit préparé ou non à des pratiques artistiques différentes, dans une matière sonore en mouvement, projetée par des êtres camouflés dans des combinaisons étranges. Urban Sax va rencontrer au début des années 80 une adhésion populaire et médiatique incroyable au regard de l'étrangeté du projet. Thank you.

Faudrait pas que Mellencamp t'entende. Il est pas si méchant que ça, vous savez. Il est toujours super sympa quand je le vois. Bien sûr qu'il l'est, répondit Randall, moqueur. Et tu es un de ses clients, ça veut dire que tu as une dette envers lui. Je lui dois rien, je paye avant, c'est une des règles. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passera quand tu l'arrêteras pour un feu arrière cassé, hein? Il a un feu arrière cassé? Non, mais si ça arrive un jour, tu pourras rien faire. Pourquoi? Parce qu'il raconterait à toute la ville que tu aimes te faire titiller les couilles avec un plumeau à poussière. Puis tu l'air surpris. Comment vous savez? J'en sais rien, je ne faisais que spéculer. Il regarda son jeune coéquipier de plus près. Tu aimes te faire titiller les couilles avec un plumeau à poussière? Non. Enfin bref. Randall voulait éviter de s'attarder sur une vision de son collègue dans une situation compromettante avec un ustensile de ménage. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de truc, ça peut revenir te hanter. Si Mellencamp a de quoi te faire chanter, un jour il viendra te demander une faveur qui ne te plaira pas et tu te sentiras obligé de dire oui tout en sachant que tu ne devrais pas. Pete éclata de rire avant de recommencer à se gratter les parties intimes. Ouais, pigé. Soudain, il se redressa comme si on venait lui taper dans le ventre avec un tisonnier brûlant. « Faut que j'aille pisser », déclara-t-il. « Et l'écureuil ? Mais quel écureuil ? »